Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui dans Portrait d'assaut, on découvre le collectif Soin Soin, des clowns professionnels qui interviennent en milieu hospitalier pour apporter un peu de légèreté et des rires là où on en a le plus besoin, en milieu hospitalier, en milieu de soins plus généralement. Pour en parler, nous accueillons en studio Laurence et Julia. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Merci. Je vous laisse vous présenter rapidement. Julia. Bonjour, je m'appelle Julia Gay. Je suis comédienne depuis déjà de nombreuses années. Ça ne se dit plus, ça se compte en décennies. Et je suis aussi metteur en scène, voilà, je mets en scène des spectacles et je suis donc clown hospitalier. Petite particularité, en EHPAD. On va y revenir. Et donc, Laurence Chaillère, je suis aussi comédienne depuis quelques décennies, ça ne se dit plus non plus. J'interviens en tant que prof de théâtre aussi auprès des enfants et adultes et clown. Aussi en milieu de soins, plus particulièrement auprès des personnes âgées et des publics fragilisés en Lorraine. Mais ça peut être aussi auprès d'enfants, de différents types de publics. Et le collectif Soin Soin, alors quelle est un peu son histoire à ce collectif ? En fait, le collectif Soin Soin, au tout départ, c'est Julia, Élodie Hatton et moi, on s'est rencontrés à une période juste avant le Covid. Élodie et moi, on travaillait au Luxembourg en tant que clown hospitalier. Et on s'est dit, pourquoi on fait pas la même chose sur notre territoire? Parce qu'on sait que il y a aussi des personnes âgées, il y a aussi des enfants qui ont besoin de ça. Et on s'est dit, pourquoi on monte pas ça? On a commencé à réfléchir toutes les deux. Par la suite, Julia a rencontré Elodie. Ça a été un joli coup de foudre artistique. Et on, toutes les trois, on s'est dit, allez, on y va. Et puis, il y a le Covid qui nous est tombé dessus. Alors, ça a été compliqué à développer, mais il y a des maisons de retraite qui se sont rendues compte que, malgré le Covid, les gens avaient toujours besoin de liens sociaux. Et ça nous a permis de rentrer dans certaines maisons de retraite. Alors, c'était pas... Comme on travaille actuellement, c'était pas au chevet, c'était plutôt des spectacles avec un peu de distance, parce que par rapport aux conditions sanitaires. Mais on a commencé à se faire connaître de cette manière-là et petit à petit montrer ce que c'est que le clown auprès des personnes âgées. Donc cette existence du collectif est récente. Mais le collectif, ça fait un an et demi. Avant Covid, c'était la CRIC qui portait. Oui, donc une autre asso. On a décidé de séparer, de refaire une association juste pour les interventions de clowns. Et ça fait un an, depuis avril 2024. Mais ça fait plus d'un an que le collectif Soin Soin est né. Collectif Soin Soin est là pour ramener les clowns en milieu de soins. Et de la bonne humeur surtout. C'est ça. Et vous intervenez donc sur la Meurthe-et-Moselle, aussi les Vosges, c'est ça, sur les deux départements là? Oui. Meuse et Vosges. Meuse aussi. Meuse et Vosges, oui. En Moselle, il y a une association qui existe déjà voilà, en Moselle. Donc voilà, c'est normal de ne pas aller sur son territoire. Là, vous avez dit, Julia, que c'était plutôt en EHPAD, vous. Pourquoi d'ailleurs? Eh bien, écoutez, ça s'est fait comme ça. En fait, il faut savoir aussi que sur Nancy, il existe à l'hôpital des enfants, à Brabois, le Rire Médecin, qu'on ne présente plus. C'est une association qui a, là, pour la peine, vraiment plusieurs décennies d'existence, qui fait très, très, très, très bien son travail auprès des services pédiatriques, auprès des enfants, à l'hôpital des enfants de Brabois. Donc, toujours dans l'idée de peut-être ne pas marcher sur les plates-bandes des autres. Donc, et puis le projet, c'était vraiment un public fragilisé, plutôt dans les établissements où vraiment on ne s'imaginerait pas des clowns, en effet. Mmh. Et donc, en fait, les EHPAD, ça s'est fait un petit peu naturellement. Mais vous, Laurence et Elodie, par votre expérience au Luxembourg, voilà, vous faisiez à la fois un public plutôt d'enfants, dans les structures, hôpital d'enfants, etc. Mmh. Et aussi dans les maisons de retraite. Donc, ça s'est fait, en fait, naturellement, quoi. Voilà. C'est des publics qu'on connaissait. Ouais. Donc naturellement, on connaissait le bienfait auprès des personnes âgées. Donc on savait que ça allait marcher, que les gens allaient nous suivre. Et après, par la suite, c'est pareil, on est toujours à un an et demi d'existence. Mais si par la suite, dans des petites pédiatries ou des lieux avec des enfants, avec des difficultés peut-être au niveau handicap... sont intéressés, on est toujours en train de regarder. Et comme c'est un collectif, il n'y a pas une personne qui décide, on est une dizaine de personnes à échanger. Est-ce qu'on est compétent? Parce que c'est pareil, on rentre pas dans un lieu avec des personnes fragilisées comme ça. il y a quand même toute une formation qui se met en place au niveau de l'hygiène, au niveau des problématiques, au niveau des maladies. Et on est tout à fait dans le respect de la personne comment elle est. On ne vient pas bousculer. Une personne, on toque à la porte, on dit « Bonjour, c'est les clowns, on peut rentrer ?» Non, ok. C'est vraiment le respect. On ne vient pas obliger la personne à recevoir les clowns. Et l'humour, vous l'abordez peut-être différemment aussi en fonction, bah là, si c'est pas des enfants, c'est des personnes âgées, des personnes fragilisées aussi. Comment vous abordez ça? Alors, il y a deux jeux différents. Oui, il y a plein de jeux différents. En fait, ça dépend vraiment, comme vient de le dire Laurence, de l'état du jour de la personne rencontrée. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui sont, des personnes âgées par exemple, qui sont alitées. Elles ne peuvent plus se déplacer au sein de la maison de retraite, de la résidence. Donc ça veut dire qu'elles ne peuvent plus, par exemple, participer aux diverses animations organisées au sein de l'établissement. Mais ces personnes-là, physiquement, ça ne suit plus. Mais par contre, elles ont toute leur tête, etc. Donc là, on peut y aller à fond si elles le veulent bien évidemment. Et puis à côté de ça, on rencontre aussi des personnes qui ont des pathologies plus lourdes, avec des maladies neurologiques. Donc là, nous, on arrive aussi, on ne porte pas de blouse blanche et nous ne faisons pas partie du cercle familial. C'est encore autre chose. Ouais. C'est encore un autre rapport à inventer avec les personnes qui nous rencontrent. Et nos habits, déjà, nos habits, c'est leur première... façon de nous rencontrer. Des fois, on est à l'autre bout du couloir et on voit des regards se plisser comme ça. Et se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui arrive? C'est carnaval quoi. Oui, parce que souvent, vous arrivez, vous n'êtes pas Julia, vous n'êtes pas Laurence. Non. Il y a Mlle Irma, oui. Si je ne dis pas de bêtises, et Choupinette. C'est ça. Oui. Hein, je suis bien renseignée. Vous avez bien bossé, bravo. Bien bossé. Et la particularité aussi, c'est qu'au début, vous disiez avec le Covid, tout ça, c'était à distance, c'était des spectacles plutôt. Beaucoup. Mais là, vous allez vraiment dans les chambres des patients, des résidents. Oui. En fait, on va de chambre en chambre, on va de chevet en chevet, on passe bien évidemment par les salles communes. Donc, on rencontre les habitants, les résidents des maisons de retraite, mais pas que. On rencontre également le personnel soignant, on rencontre les familles, les aidants. Donc, puis tout personnel, la direction, personnes... personnel soignant, mais personnel de Personnel de l'établissement. Et c'est très drôle de voir le cuistot qui passe une tête. Oh, il y a les clowns. Ah. Voilà. Et on sait qu'on apporte sourire aux personnes âgées, mais aussi à tout l'entourage qui gravite autour d'eux. Ça allège l'atmosphère générale parfois. Tout à fait. Et on est vraiment attendu. Ça nous est déjà arrivé d'avoir une dame qui nous dit « Moi, je sors pas de ma chambre aujourd'hui, cet après-midi, parce que je sais qu'il y a des clowns qui passent. Donc, je veux pas vous louper. » Donc, le merci, il est là. Juste de se dire, il y a quelqu'un qui nous attend, qui veut partager ses 10-15 minutes avec nous en faisant des blagues, une chanson, des petites confidences, des petites bêtises sur la maison, c'est gagné. Vous intervenez à quelle fréquence alors dans ces lieux-là? C'est une fois par semaine, une fois par mois? Non, c'est une fois par mois en général. Mmh. En ce moment, on intervient à Baccara, à la maison hospitalière de Baccara, jusque fin décembre. Sur cette période, on intervient deux fois par mois. Et on est en train de créer un spectacle aussi pour l'offrir aux résidents et aux familles en fin d'année. C'est un peu particulier, c'est dans le cadre d'un projet de culture et santé. Voilà, c'était porté par la DRAC et l'ARS. L'établissement a postulé pour avoir une petite subvention. Et donc, on a co-créé un projet ensemble. Et donc, ce projet, c'est de vraiment, on est en immersion dans l'établissement. C'est-à-dire qu'on va... on va à la rencontre des habitants, des résidents. Ça, c'est ce qu'on sait faire. Ce qu'on ne sait pas faire, vraiment, c'est en civil aussi. Nous allons à la rencontre du personnel, soignants et pas que, hôteliers, etc. Direction, animation. Direction, au sein de l'établissement. On va vraiment les rencontrer, on va les interviewer. Voilà, on fait votre job, désolé. Et en fait, et après, l'idée, c'est de créer un spectacle de tout ça, de tous ces témoignages, de toutes ces rencontres. Mais ça c'est un projet très particulier. En général, il n'y a pas le spectacle. C'est très spécifique. Quand on va souvent dans les maisons de retraite, c'est, ou les différentes structures, c'est une sortie par mois dans l'établissement. Donc aujourd'hui, s'il y a des personnes qui travaillent dans ces établissements-là, qui recherchent des animations, justement, on peut faire appel à vous ? C'est pas des animations, on veut être clair là-dessus, on vient pas animer un goûter ou un moment collectif. On essaye de rentrer dans la bulle du soin, parce que ces clowns-là, ils sont vraiment, ils viennent apporter à la personne qui est isolée. Donc nous, de plus en plus, on essaie de se battre, de dire... c'est super chouette d'être en lien avec les animateurs, mais si on arrive à s'approcher des soignants, comme ça, eux, on peut avoir notre expertise de clown en disant, bah nous, chez cette personne-là, on a repéré ça. Et souvent, au débriefing, ils disent, ah mais elle est pas du tout comme ça avec nous. Parce qu'avec cette façade du clown, parfois, il se confie différemment aussi les... Oh oui, si vous saviez. Oh là là, ouais. c'est assez fou. Mais il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas le jugement médical, il n'y a pas le jugement de la famille, il n'y a pas tout ce qu'ils doivent supporter au quotidien. Et à un moment donné, nous, on est juste une petite bulle de se dire, ok, là, je peux tout déverser, je peux déverser les émotions, je peux donner ce qui s'est mal passé, tout. Et on accepte tout. Et comme le clown est en bas de l'échelle, nous, on est en bas du soignant, en bas de la femme de ménage. On peut taper sur le clown, enfin, moralement, je parle. Hein. On peut taper sur le clown, voilà. Mais non, on est vraiment, c'est ce que je vous dis, on n'a pas de blouse blanche, on ne fait pas partie de la famille. Et partant de ce postulat-là, tout est possible. Et oui, souvent, alors nous, ce qui se passe, c'est que, en fait, idéalement, on vient une fois par mois dans un établissement. Et on essaye d'y rester le plus longtemps possible, selon les finances, d'accord ? Ce qui nous permet de créer du lien, ça c'est notre mission première. Mais quand on arrive, nous on a tout un processus de... On appelle ça, on fait les transmissions. C'est-à-dire qu'on arrive en civil dans l'établissement, on rencontre la personne qui nous accueille. Souvent c'est l'animateur ou l'animatrice. Et il a préparé une liste de personnes à aller voir, en priorité. D'accord. En nous expliquant son état, ou si c'est un nouveau résident, ça serait bien d'aller la voir parce que c'est nouveau l'établissement pour cette personne-là, peut-être elle aurait besoin d'être réconfortée, ça peut être notre rôle. Et donc voilà, on prend des notes et en fait à la fin de notre sortie, généralement c'est plutôt l'après-midi, ça dure toute l'après-midi, on continue de transmettre en fait des choses, on enlève notre nez, on dit bah voilà, on a été voir la dame chambre 606, voilà comment ça s'est passé aujourd'hui, voilà ce que tu peux prendre comme note, comme ça, ça nous permet de créer et d'avoir un suivi en fait aussi avec les personnes rencontrées, d'où l'idée de rentrer dans la bulle du soin. Et voilà, de voir l'évolution et quand bien même voilà, quand on arrive à aller sur un an, ou en l'occurrence la maison hospitalière de Baccarat, on a une sorte de partenariat depuis plusieurs années maintenant, on y va plus ou moins régulièrement, encore une fois selon les finances, et on voit l'évolution des résidents en fait, donc c'est chouette. Important. C'est chouette. Ouais. Ouais. Donc ce rire que vous apportez dans ces lieux-là, il est précieux. Oui. C'est vraiment aussi un pas pour le soin, pour aller mieux, aussi bien dans son corps que dans sa tête. Oui. Vous avez des projets, vous avez parlé de ce spectacle en décembre, d'autres projets à venir. Alors là, on vous dit tout. Les nouvelles fraîches. Écoutez, encore une fois, avec le soutien des animateurs et des animatrices sur différents établissements, avec qui on est en contact depuis de longs mois et qui essayent de trouver des financements à droite à gauche. Là, on va démarrer. On va aller en unité de soins longue durée à Bainville-sur-Madon, au centre Jacques Parizeau, à partir de novembre pour plusieurs mois. Donc ça, c'est hyper chouette. Et puis, pour aller de plus en plus dans les établissements, on lance. Ah oui, il faut lancer. On lance une campagne de dons en ligne, mais pas que, début novembre. Je crois que c'est le 2. Le 2 ou le 3 2 novembre. Tout début novembre. Tout début novembre, ouais. Voilà. Et puis peut-être, on l'a fait l'année dernière, on avait été deux dimanches sur le marché de Noël de Gérardmer. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est pas Gérardmer, c'est Gérardmer. Oh oui. On y surveille. On y avait été l'année dernière. Peut-être que cette année, vous pourriez nous y retrouver, peut-être un dimanche, avant Noël. Mystère. Oui, mystère. Le collectif Soins de Soins, il y a un site internet, c'est collectifsoinssoins.com. Oui. pour suivre ta actualité, les réseaux sociaux aussi. Oui, oh là là, oui, on se fait Facebook, oh là là. Instagram, LinkedIn. LinkedIn. Voilà, pour montrer à quel point cette culture est importante d'apporter dans ces lieux-là et surtout des sourires. Merci à toutes les deux, merci Julia à vous. Et Laurence. Merci. Merci. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.